corps de chambre noire, trou dans le mur, éclaboussure et sur le tapis, je le jure. Un corps de femme, un mélodrame et le parfum de Havane. Marie et Mia mangeait non, amour imbibé de sang. Qui a tué, qu'a-t-on volé, histoire de sexe ou de blé. Banale affaire élémentaire, mais je n'ai rien d'autre à faire. Je suis privé, je dois trouver, je dois payer le loyer. Mon revolver est en enfer et je suis juste derrière. Sur le lit, elle jette un vison sali. Il pleut dehors, ça sent la mort qui boit du mauvais whisky. Je suis privé, j'ai pas d'amis, je dors très peu chaque nuit. Elle me regarde et sur mes gardes, je la regarde aussi. Riche héritière, aventurière, la Rolls est parquée derrière. Garde du corps, attends dehors, montre les dents si je sors. Je suis privé, j'ai pas d'amour, je suis payé pour prouver qu'elle est coupable sur la table, elle plante poignard doré. Pas de chandelle, pas de champagne, ni de dentelle. Pas de cadeau pour le privé. Chapitre 3, le même mois, promenade au fond des bois. Enfant volé, rançon donnée, enfant jamais retrouvé. L'affaire est claire pour les journaux et pour le public idiot. Moi je la crois quand elle me dit qu'elle n'en croit pas un mot. Un rendez-vous café désert, comme une nuit en hiver. Cheveux défaits, passons au fait, je sais que tu n'as rien fait. Par un sourire, elle veut me dire que le pire est à venir. Je suis privé, elle est prévenue, le film est déjà vu. Pas de chandelle, pas de champagne, ni de dentelle. Pas de cadeau pour le privé. Trop courte nuit, réveillée seule dans le lit. Où sont ses lèvres, où est sa peau, qu'elle est souffrante dans mon dos. Bout de papier sur l'oreiller, épouvantable cliché. Elle est partie, elle s'est tirée, attention je vais pleurer. Café glacé, volet fermé, le téléphone est coupé. Un parfum plane chez moi. Cauchemar numéro 3. Je suis privé, j'ai pas d'amour, je suis payé pour prouver qu'elle est coupable sur la table, le poignard oublié. Pas de cadeau pour le privé. Pas de cadeau pour le privé. Pas de gâteau. Pas de chandelle, pas de champagne, ni de dentelle. Pas de cadeau pour le privé. Mon revolver est en enfer et je suis juste derrière. Pas de cadeau pour le privé.